corpillard qui se pointe à les entards. Je me corpille dans toutes les gares, je fais wouhou. Maloko danse le pogo, Johnny Rotten et ses voyous. Suis le train à tout le monde. La Madonna des sleeping. Tu peux fumer comme un monsieur. Avec toi, elle est bien tombée. Thank you. moins à craindre que cette hymne fatale où l'on devait convaincre. À qui je dois la vie, mais parmi vos plaisirs ne soyez point jaloux. Et si je m'ose à mon tour satisfaire après vous, souffrez qu'en liberté mon désespoir éclate. Assez dur trop longtemps, votre discours me flatte. À toute heure, en tout lieu, dans une nuit si sombre, je pense l'embrasser et n'embrasse qu'une ombre. Ha ha! Comment ça va? On tombe un peu comme ça. 4. I love her.